Jean Bosco, Douiman. Bonsoir, bienvenue à ce journal, la dernière édition de cette soirée du 24 août 2016. Et en voici tout de suite les grandes articulations. C'est désormais officiel, les lauréats de levier fondamental avanceront avec 93 sur 200, soit 46,5%. Et 93 sur 245, soit 26,9% pour les lauréats des dixièmes. C'est la ministre Geneviève Ndirahisha qui a fait l'annonce de cette note cet après-midi. Deux petits restaurants situés à l'arrière du marché d'Ichet-Sillon ont été détruits par la mairie de Bujumbura. Il s'agit de protéger la santé des citoyens, explique-t-on, menacés par une hygiène très précaire à ces endroits. Et l'on s'achemine vers la suppression de la limitation des mandats présidentiels dans la constitution burundaise. C'est du moins l'avis exprimé par la majorité des Burundais ayant participé aux rencontres organisées par la Commission nationale pour le dialogue inter-burundais. Cette commission vient de présenter au président de la République son rapport semestriel. Et le carburant manque toujours et les opérateurs dans le transport en commun rémunéré disent travailler à perte. Entre-temps, le ministère de l'Énergie reconnaît que le carburant est disponible au pays, mais qu'il y a un problème de gestion de cet or noir. Et dans le reportage du jour, nous irons à Chivitoke, où les agriculteurs manquent de débouchés pour leurs produits. Le ministre de l'Agriculture a promis hier la construction d'une usine de transformation de tomates, notamment. Bonsoir. Une note de 93 sur 200, soit 46,5% pour les lauréats de la 9e fondamentale, et une note de 93 sur 345, soit 26,9% pour les lauréats de la 10e année. Voilà la note qui détermine la réussite pour avancer à l'enseignement post-fondamental. La ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Geneviève Ndirahisha, a fait savoir que cette note est prise compte tenu de la capacité d'accueil des différentes filières disponibles. Et sur la question du redoublement, la ministre a informé que les textes en vigueur concernant le redoublement n'ont pas changé. Suivez. La question du redoublement, les textes en vigueur concernant le redoublement n'ont pas changé. Et le redoublement, c'est selon les places disponibles. Donc au niveau des écoles, ceux qui ont échoué, je pense que s'il y a des places, ils vont refaire l'année comme les années passées. Pour les écoles d'enseignement des métiers, d'abord je voudrais rappeler que ça sera géré par le ministère ayant la fonction publique dans ses attributions. Mais le gouvernement a initié cette réforme de l'école fondamentale pour l'intérêt de tous les enfants du pays, mais aussi pour l'intérêt de tous les pays. Donc au niveau des provinces, ils sont à l'œuvre de construire les écoles d'enseignement des métiers. Mais je voudrais rappeler que pour ce type d'enseignement, on ne parle pas d'année scolaire. Si un centre des métiers est prêt, les élèves peuvent commencer à subir leur formation. Concernant les élèves qui probablement ont échoué en classe et qui ont eu la chance de réussir au concours national de certification d'orientation post-fondamentale, s'ils ont réussi, ils vont être orientés comme les autres. Il y a aussi une autre catégorie d'élèves qui probablement auraient réussi en classe, mais n'ont pas eu la chance de réussir au concours. Refaire l'année alors qu'on a réussi, je pense que ce n'est pas une chose facile, mais l'État a décidé que ces élèves qui ont réussi en classe, mais qui n'ont réussi pas au concours, peuvent revenir l'année prochaine, c'est-à-dire pour l'année scolaire 2016-2017, et refaire le concours d'orientation de certification comme ceux qui avancent de classe. La ministre en charge de l'Éducation nationale, Geneviève Ndirahisha. La suppression des mandats présidentiels dans la Constitution, la suppression des postes permanents au Sénat des anciens chefs d'État, la reconnaissance du pouvoir judiciaire au même titre que le législatif et l'exécutif et l'amendement de certaines lois, à commencer par la Constitution, sont les plus importantes propositions de la population qui ont participé au dialogue inter-burundais ces derniers 6 mois. C'est le contenu du rapport présenté au président de la République. Comme l'indique Mgr Justin Ndayisaba, il est président de la CNDI. Concernant la Constitution, la grande majorité des participants au dialogue veulent que le président de la République puisse exercer plus de 2 mandats. La grande majorité des participants veulent également que la Constitution prime sur l'accord d'Arusha. Tous les participants veulent que le Sénat ne comprenne d'anciens présidents de la République qui n'ont pas été élus pour cette Assemblée. Tous les participants veulent le pouvoir judiciaire soit au même niveau que le législatif et l'exécutif, que l'État mette fin à la violence politique et l'impunité, que soient supprimées les imperfections se trouvant dans la Constitution et que soient corrigées les erreurs se trouvant dans l'accord d'Arusha. Sur la mise à jour de certaines lois, les participants souhaitent l'amendement de la loi régissant les partis politiques pour qu'il n'y en ait plus qui n'existent que par leur dénomination. Du code pénal pour mettre fin à l'impunité, du code électoral pour mieux organiser les élections, régissant les organisations de la société civile pour qu'elles se conforment à leur statut, régissant les confessions religieuses pour qu'elles se conforment également à leur statut. Sur l'économie ou le développement, les participants proposent d'instaurer une politique salariale pour que tout le monde ne fasse pas de la politique pour gagner sa vie, de lutter contre le chômage par la réalisation de grands projets de développement, d'utiliser les critères techniques quand il s'agit de recruter pour des postes techniques. Sur l'éducation civique, les participants proposent de renforcer l'éducation civique dans les écoles, enseigner ce que la démocratie, concevoir un enseignement approprié aux jeunes affiliés aux partis politiques, réécrire et enseigner l'histoire du pays. Et concernant les mandats du président de la République, le président de la Commission nationale pour le dialogue interburundais explique que les populations déjà consultées veulent que le président se représente aux élections autant de fois qu'il aura la confiance des électeurs. Encore une fois, Justin Daïssel. Concernant les mandats, la population dit qu'après 5 ans, le président sortant peut aller se faire élire ou bien faire la campagne comme d'autres candidats. Donc, tant de fois qu'il veut. S'il est élu, ça va. S'il n'est pas élu, il va rentrer. Vous donnez les principales idées données par la population que vous avez déjà données. Est-ce que cela ne peut pas influencer les autres qui n'ont pas encore touché et biaiser les résultats du travail et du CNDI? Je pense que ça va leur aider de donner les idées qui restent. S'ils sont influencés, pour moi, c'est bon. Ils peuvent être influencés ou ne pas être influencés. Donc, ce n'est pas à dire que ce que nous avons donné comme rapport, ça va influencer le reste. Justin Daïssava, c'est le président de la Commission nationale pour le dialogue interburundais. Dans la suite de ce journal, les opérateurs dans le transport en commun rémunérés à Mairie de Bujumbura travaillent à perte ces derniers jours à cause de la persistance du manque de carburant. En effet, se plaignent-ils, ils perdent énormément de temps en attente d'essence ou de mazout sur les rares stations-service qui en servent encore. Sur d'autres, l'on dit aux clients que les réservoirs sont secs. Voici le reportage d'Yves Monziman. Ces chauffeurs de bus de la capitale expliquent qu'ils passent beaucoup de temps sur les files d'attente et que parfois même ils peuvent manquer ce produit, comme celui-ci l'exprime. Les problèmes que nous rencontrons sont en premier lieu la perte de temps, puisque nous passons beaucoup de temps sur les files d'attente. Souvent, tu peux même manquer ce produit alors que tu as passé beaucoup de temps sur les files d'attente. Un autre problème est que nous manquons souvent les frais de versement. Comme ces chauffeurs continuent à l'affirmer, certains ont dû abandonner de long trajet au moment où d'autres regrettent de se disputer avec les clients. Si tu es convoyeur, tu dois d'abord te maîtriser afin de ne pas se disputer avec les clients, arguant que tu es en train de traîner. Cela étant, il y a ceux qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. Ces chauffeurs demandent au gouvernement de leur emboîter le pas pour vérifier si les grossistes ne cachent pas le carburant dans leur dépôt afin qu'ils puissent avoir accès à ce produit de première nécessité. Nola Skendai Haye, directeur général au ministère de l'Énergie et des Mines, en charge de la gestion du carburant, a récemment déclaré sur nos ondes que tout le problème repose sur le fait que les agents de l'OBR ne sont pas au service le week-end. Moi, j'avais essayé de donner la lumière par rapport à cette situation. J'avais évoqué notamment le week-end prolongé du 13, 14 et 15, ce qui a fait que les produits pétroliers qui étaient arrivés pendant ce week-end n'avaient pas été déchargés et par conséquent, il n'y a pas eu de chargement vers les stations des détaillants. Donc, depuis ce jour, il y a eu une situation de véhicules au niveau des stations de service, ce qui a créé la panique générale. Mais, comme je l'avais dit la semaine dernière, et je le répète aujourd'hui, il y a des produits pétroliers au niveau du pays. Il y a juste un problème de gestion de la distribution des produits pétroliers au niveau des détaillants. L'explication a été vite démentie par l'Office bondé des recettes par la voix de son chargé de la communication. L'OBR dit qu'il ne peut en aucun cas faire obstacle au déchargement du carburant. Danny Gakunzi précise que les agents de l'OBR concernés sont au service même les week-ends. Je ne pourrais pas confirmer cette affirmation comme quoi c'est dû aux heures de travail de l'OBR parce que normalement, les heures de travail du personnel de l'OBR sont de 8 heures par jour pendant les 5 jours, de lundi à vendredi. Et en plus de cela, les endroits où sont entreposés, le gasoil, les heures de travail sont même plus de 8 heures parce que les gens ne s'arrêtent pas de travailler pendant la pause de midi à 14 heures. Alors, le week-end, samedi et dimanche, normalement, le commissariat des douanes travaille de 11h à 15h. Et s'il s'avère nécessaire, en cas de pénurie de carburant, les pétroliers peuvent demander, on met à leur disposition du personnel pour qu'ils puissent travailler des heures supplémentaires pour samedi et dimanche. Alors, ça a toujours été ainsi et on l'a toujours fait. Donc, je dirais que les heures de travail ne peuvent pas être une entrave pour le bon déroulement du gasoil qui entre dans le pays. Parce que ça s'explique comme ça, est-ce qu'il y aurait justement des pétroliers qui auraient demandé à ce qu'il y ait des travaux de l'OBR en dehors des heures de service? Je dirais que ces derniers jours, on n'a pas eu cette demande, mais normalement, dans le passé, je sais que cette demande, une demande de telle sorte a été introduite et on a mis à la disposition de ces pétroliers du personnel pour leur servir. Danny Gakunzi, chargé de la communication à l'Office burundais des recettes. Deux petits restaurants de fortune situés derrière le marché de chez Sillon ont été fermés et détruits dans l'avant-midi de ce mercredi par ordre de la mairie de Bujumbura. Ceux qui travaillaient dans cet endroit ont mal accueilli cette décision, disant qu'ils ne voient pas comment ils vont continuer à survivre. Le maire de la ville de Bujumbura explique que cette opération de fermeture et de destruction a été effectuée dans le but de protéger la santé des citoyens menacés par de mauvaises conditions d'hygiène observées à ces endroits. Didier Nyonzima. Ceux qui gagnaient leur vie grâce à ces restaurants disent avoir accueilli très mal cette décision, car avec la fermeture et la destruction de leurs restaurants, ils ne voient pas comment ils vont survivre. Nous l'avons très mal accueilli parce que notre vie va devenir très difficile. On gagnait de quoi nourrir nos enfants grâce à ce travail. J'ai 6 enfants qui vont bientôt commencer l'école, mais je ne vois pas comment ils vont vivre, comme c'est moi qui s'occupe d'eux. Ils nous ont fait une surprise. C'est grâce à cet endroit qu'on gagnait notre vie. Nous demandons à ce qu'on nous mette dans un autre endroit pour que nous puissions continuer à travailler. Le maire de la ville de Bujumbura, qui supervisait lui-même cette fermeture et cette destruction, indique que la mairie est en train de mettre en exécution une recommandation du Conseil national de sécurité qui avait déjà demandé à la municipalité de Bujumbura ainsi qu'au service de santé et d'hygiène de pouvoir identifier tous les restaurants qui ne remplissent pas les conditions d'hygiène. Aujourd'hui, alors, nous avons pensé, pour pouvoir juguler aussi l'épidémie de choléra, de passer à l'action, à la destruction, à la fermeture définitive de ces maisons. Avoir les conditions dans lesquelles les gens travaillent, les gens mangent, il n'y a pas d'endroit à se soulager. On trouve ici et là de la merde, on trouve qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de toilettes. Donc il était vraiment urgent de pouvoir arrêter ce genre d'activité. Freddy Mbonima fait savoir que ceux qui veulent exercer le métier de restauration doivent se conformer à la loi en s'adressant aux services habilités pour avoir l'autorisation d'exercer. À la source, reportage. Une usine de transformation de tomates produite à une très grande quantité dans la province de Cibitoke peut voir le jour d'ici peu. La promesse a été faite ce mardi par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. C'était lors de sa rencontre avec la population de Marambo qui aujourd'hui n'a pas où écouler sa production agricole. Rappelons que le gouvernement du Burundi a pris la mesure de ne plus vendre des vivres au-delà des frontières nationales. Évariste Nzikobanyanga. Les agriculteurs de la province Cibitoke disent ne pas avoir où écouler leur production. C'est après que le gouvernement ait sorti une mesure leur interdisant d'aller vendre au-delà de la frontière burundo-rwandaise. Ceux qui souffrent par rapport aux autres sont les agriculteurs de tomates. Ils indiquent que celui à qui les tomates ne pourrissent les vendent localement à un prix insignifiant. Le manque à gagner est énorme vu le capital investi dans la culture de tomates. Cet agriculteur de tomates rencontré à Marambo se dit être dépassé et lance un cri d'alarme. Nous n'avons pas de marché pour nos tomates. Heureux celui qui n'en cultive pas. Celui-là vient acheter à un prix insignifiant au moment où la culture de ces tomates nous a coûté cher. Raison pour laquelle nous lançons à votre endroit un appel vibrant pour que vous puissiez prendre en main cette question. Nous, nous sommes prêts à continuer avec cette culture de tomates. L'essentiel est de trouver ou vendre. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage s'est rendu ce mardi au chef-lieu de la province de Cibitoke pour constater les problèmes qui hantent les agriculteurs. Le ministre Guy Derurema s'est réjoui de la production agricole de la saison. Il a cependant exprimé sa préoccupation par rapport au manque de débouchés pour la production des tomates. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'impulser la dynamique d'augmenter la production et surtout insister sur les cultures qui nous aident à faire face aux effets du changement climatique. Et la culture de tomates elle est cultivée dans des endroits facilement irrigables. Nous avons trouvé que c'est une culture principale dans cette commune de Rugombo. Mais malheureusement, il y a des difficultés à ce que cette culture puisse être transformée. Et notre agenda du ministre de l'Agriculture à Marambo était d'aller voir une usine de transformation construite par Capade il y a 6 ans, mais qui n'a jamais fonctionné. Sa délégation n'a pas eu accès à l'intérieur de cette usine, car celui qui devrait ouvrir ne s'était pas présenté sur les lieux. La question qui se pose, pourquoi cette usine vient de faire 6 ans sans démarrer? Ça pose un problème, ça pose des questionnements. Et comme vous le voyez, nous avons trouvé même cette unité fermée. Nous lançons un appel vibrant au CAPAD qui est en charge d'encadrer la population et qui est responsable premier de cette unité de transformation pour que demain puisse venir s'associer à l'équipe que nous venons de mettre en place pour nous faire état des lieux. Le ministre de l'Agriculture a enfin promis à la population de Marambo qu'il compte dans les plus brefs délais aller voir ceux du CAPAD pour que cette unité de transformation puisse démarrer ses travaux. À la source, interview. Et c'est l'invité du journal Christina Mejo, chef de mission à l'OIM, de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Elle nous parle de la traite des êtres humains dans le monde et surtout au Burundi. Vous savez que des jeunes Burundaises vivent en Arabie Saoudite comme esclaves. Christina Mejo, chef de mission de cette Organisation internationale pour les migrations, propose ce qui devrait se faire pour que ces Burundaises regagnent le pays. Elle l'a dit à Christian Savier. Madame Christina Mejo, vous êtes chef de mission de OIM, qui est Organisation internationale pour les migrations. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tenter une définition de ce que qu'on appelle la traite? Oui, la traite, personne, c'est justement un type de corrosion, des triches pour les gens, pour essayer, pour la convaincre, pour partir, soit au niveau rural, capital, ou bien même international. Est-ce que la traite existe au Burundi? La traite, c'est un phénomène qui est global aujourd'hui. L'industrie la plus grande du monde, après justement l'industrie du trafic des armes. Donc ça existe partout dans le monde. Et c'est une industrie qui est très chère. En fait, les gens gagnent plus que 150 millions de dollars dans le monde. Quelle sera la situation au Burundi? Maintenant, en Burundi, c'est sur le Trafficking in Persons rapport des États-Unis qui sort, c'est au niveau de global de tous les pays et révision. Et maintenant, en Burundi, c'est au niveau tier 3, c'est-à-dire qu'on est en train de faire les efforts pour faire la formation, la campagne d'information, etc., pour informer des gens qui aimeraient faire des migrations, qui peuvent faire ça dans la manière consciente. Ils ont toute l'information avant qu'ils partent. Vous parliez de 4 pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces 4 pays qui sont mis ensemble juste pour combattre le trafic? 4 pays, en fait, c'est qu'on travaille au niveau de protection, la prévention avant qu'ils partent, qu'ils ne tombent pas dans des trempes ou quelque chose comme ça, ils sachent à ce qu'ils vont participer. On parle aussi de partnerships, en fait, qu'on travaille tous ensemble avec le gouvernement, avec les médias, avec les agences des Nations Unies, avec la population directement, en fait, au niveau. Et aussi des persécutions, c'est-à-dire des processus de suivi judiciaire, qu'ils peuvent avoir de justice pour les victimes. Dernièrement, il y a eu un réseau de jeunes filles qui ont été amenées beaucoup plus en Asie. Et ce réseau a été démantelé par les forces de police au Burundi. Mais actuellement, il y a des filles qui se trouvent en Asie qui voudraient bien que quelqu'un les vienne en aide. D'après vous, avec cette synergie que vous êtes en train de mettre en place au Burundi, quelle est la première chose à faire pour venir en aide à ces jeunes filles qui demandent de l'aide? C'est important qu'ils puissent contacter soit les ambassades, soit les organisations qui sont là sur place ou bien ici au Burundi. On a même notre bureau de l'OIM qui est à Dubaï et à Arabie Saoudite. Ils peuvent se communiquer. Une proposition aussi pour faire une ligne verte que les gens peuvent justement appeler. Madame Christina, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci madame, merci Xavier. Et pour boucler ce journal, nous gardons une pensée à nos confrères. Guy Sastev, il a causé de Radio Bouja FM. Il a été arrêté le 18 août à Kajaga par des agents du Service national de renseignement. Selon le communiqué sorti par l'organisation, aucun motif d'arrestation ne lui a été signifié au moment de son arrestation. Mais le porte-parole de la police nationale a fait savoir via son compte Twitter qu'il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. La famille du journaliste Guy Sastev craint pour sa santé du moment qu'il souffre du diabète. Nous avons également une pensée à notre confrère Jean Bigirimana de l'hebdomadaire Iwachu, qui a entamé à partir de ce lundi 22 août une semaine en son hommage. Il a été porté disparu depuis le 22 juillet de l'année en cours. Kidnappé à Bugarama, en commune des provinces Muramvya, c'est dans cette zone de Bugarama, précisément dans la rivière Murazi, où 2 corps sans vie ont été retrouvés et repêchés le 11 août dernier. Mais personne ne peut savoir jusqu'ici si parmi les 2 figures ou pas celui du journaliste. C'est toujours donc de l'incertitude de la part de la famille du disparu et du groupe de presse Iwachu. L'ONG Reporters sans frontières demande au président de la République en personne de s'impliquer pour qu'il soit retrouvé. L'organisation demande aussi des preuves de vie du journaliste et l'ouverture d'une enquête officielle pour déterminer où il se trouve. Une source officielle anonyme confirme la disparition d'un certain Abel Aishakiye. Celui-ci, c'est l'homme qui s'est entretenu en dernier lieu avec le journaliste Jean-Bigirimana après l'avoir appelé au téléphone pour se rencontrer à Bugarama. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Toussaint Mitebouti pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.